language is tuig, that's sometimes of else. Le langage est un tour qui parfois échoue. Allô? Language is a trick that sometimes fails. Le rendez-vous, ma petite chérie, c'est... Bah, si tu veux, tu peux me rappeler quand tu veux, gros bisous. Le langage échoue, ça ne marche pas. Voilà. Je laisse un message? Non. Dis, est-ce que tu veux pas venir déjeuner chez moi ce midi avant d'aller chez demain? Mais écoute... C'est la course. C'est la course. Ouais, bah ça va. Je pars maintenant, je viens de manger. A song. Voilà. Is a revolution. C'était chez toi? That fails sometimes. Moi, je vais vite faire... je vais vite rentrer chez moi, je viens de laisser l'affaire. Oui. Je vais faire un paquet de temps. Bah, attends. Attends, parce que j'ai l'impression... Le langage est un tour de magie qui parfois peut faire apparaître et surgir des choses miraculeuses et puis parfois qui échoue, parfois ça ne marche pas, le langage. Rien. Mais le langage tourne aussi. Il est exactement 2h30 du matin. Je téléphone à tout hasard, tu peux me téléphoner quand tu veux, cette nuit, je suis... Si tu veux pas de nouvelles de toi, il est 4h, le samedi, hein, il est 4h, et si tu veux aller faire un silence ou quoi, tu peux me téléphoner, ok? Allez, à tout à l'heure, ciao! Hey, hey, ben, tu veux me faire play, hein, je t'attends, hein. On est mardi, il est 10h37, je t'attends, toujours pas là, je bois sans toi. Allez! Charlie, à tout de suite. Tu veux pas me téléphoner? Je voudrais savoir si tu viens ici ce soir ou pas. Tout de suite, s'il te plaît. Il est maintenant 5h presque, ok? Le langage est un tour, comme on pourrait aussi le dire, de la Terre, qui tourne sur elle-même. Il y a quelques années, j'ai rencontré Aziz Bouyabrin. Aziz est conteur, pédagogue, poète. Et avec lui, j'ai eu plusieurs échanges sur la voix et la parole. Et un jour, il m'a fait cette confidence. Il y a un petit miracle que je vais raconter là maintenant, parce qu'au niveau scientifique, c'est bien justifié. Cette voix aux prières, on a 5 prières normalement. C'est la première fois que je vais dire ça officiellement. Voilà. On a 5 prières, chacune est dans un temps déterminé, déterminé sur une place ou un endroit. Normalement, si on fait un tour logique sur Terre, on fait l'appel aux 5 prières au même temps. Et ça n'a jamais coupé dès le début de l'islam. Cet appel aux prières n'arrête jamais. Parce que là où il y a la première prière, dans l'opposé, il y a la troisième prière. Au niveau de Terre, puisque c'est un globe. Tu veux dire qu'il y a une sorte de prière permanente? Oui. C'est-à-dire qu'il y a une boucle? Une boucle. Ça veut dire que ça fait 14 siècles? Oui. Qu'il y a une voix ininterrompue? Ininterrompue de l'appel en prière et du prière aussi, en même temps. C'est fou quand on voilà. Se représente ça. Ben oui, c'est osé, mais c'est ce qui est maintenant. Maintenant, au Mecque, ils font leur deuxième Aziz prière. Fait cette en Palestine. Palestine, c'est sa première, de cet appel à la première, prière leur quatrième prière, n'était jamais interrompue. Par exemple, ou cinquième prière. Mais au Japon, les musulmans au Japon, ils font. Je me suis représenté comme voilà. Une sorte et de cercle qui sont de en Australie. Très ancienne. Un alors, anneau, coup, un cercle. Si on imagine, comme on pourrait dire, logique, comme les Saturne, voix s'accumuler, s'agglomérer, les unes, un satellite avec les alors, autres. Là, les dimensions du temps, une sorte c'est vocale. Quoi? Moi, je dirais que de cette voix qui tournerait, elle peut indiquer c'est pour la première. Comme on alors, lire ça veut dire que dans ce temps-là, sur Terre, ces voies, le temps sur Terre, un anneau de vagabondage. On a que au Japon, c'est la première prière de, en rotation. De demain par rapport à nous. Permanente. Et autour du monde. Peut-être qu'après, en Amérique maintenant, c'est leur, je sais pas, c'est leur le petit matin, peut-être, et là, elles font la première prière. En Égypte, maintenant, c'est la troisième prière. Là, maintenant, on est au deuxième. Et d'un coup, c'est gradué comme ça, avec les prières, avec les appels aux prières aussi, qui continuent en même temps si on sort de terre. Alors, là, il a une signification quelque part dans le cosmos. Je pense qu'il y a une signification. C'est de l'énergie qui s'accumule là. C'est pas n'importe quoi. Alors, d'un coup, cette force de la voix, elle est intéressante dans ce terme humain. So there's like a continuous loop, an echo around the physical world, like a disc. Just like the discs around Saturn, if you will. There's a constant disc of speech, of sound, around the earth. Allô, bonjour, je te téléphonais au sujet de l'intention. Tu peux la faire selon ton choix. Il n'y a aucun sujet obligatoire. Ok, à bientôt, merci. Inna nazalna dikra wa inna lahu lahafidun. Nous avons fait descendre ce rappel et nous le conservons éternellement à chaque seconde. Et c'est vrai que la manière dont les pays de l'islam sont localisés dans la sphère mondiale, eh bien on s'est rendu compte que dès qu'un appel à la prière finit, il y a un autre qui commence, de manière à ce que 24 heures sur 24, il y a un appel à la prière permanent. Et donc c'est symboliquement, au-delà du fait que c'est vrai que c'est une évidence, mais symboliquement, ça veut dire que Dieu nous bip à chaque fois et il est là. Ben voilà, je téléphonais comme ça parce que j'ai envie de te téléphoner, mais tu n'es pas là, c'est fort dommage. Et que peut-être, si on prêtait attention la nuit, en regardant le ciel à travers les étoiles, au-delà de la Voie lactée, on pourrait apercevoir un filet vocal. There's a hole in the bottom of the sea. There's a hole in the bottom of the sea. There's a hole, there's a hole. There's a hole in the bottom of the sea. There's a log in the hole in the bottom of the sea. There's a log in the hole in the bottom of the sea. There's a hole, there's a hole. There's a hole in the bottom of the sea. Le mot ritornello en italien signifie littéralement petit retour. There's a hole, there's a hole. There's a hole in the bottom of the sea. En musique baroque, il définit un motif musical récurrent constitué de deux éléments contrastés. C'est un motif qui peut tout autant introduire que clôturer un chant, comme dans un madrigal. There's a wart on the frog, on the bump, on the log, in the hole, in the bottom of the sea. There's a hole, there's a hole, there's a hole in the bottom of the sea. There's a hair on the wart, on the frog, on the bump, on the log, in the hole, in the bottom of the sea. There's a hair on the wart, on the frog, on the bump, on the log, in the hole, in the bottom of the sea. There's a hole, there's a hole, there's a hole in the bottom of the sea. There's a flea on the hair, on the wart, on the frog, on the bump, on the log, in the hole, in the bottom of the sea. There's a flea on the hair, on the wart, on the frog, on the bump, on the log, in the hole, in the bottom of the sea. There's a hole, there's a hole, there's a hole in the bottom of the sea. Sauf que parfois le langage, ça ne marche pas. Sometimes language, it doesn't work. Le langage échoue, ça ne marche pas. In certain languages, ça ne tourne some pas. Words don't cross. There are equivalents, but they never fit. Ça ne fait pas exactly. Magie. They don't fit. Ça ne rentre pas. Ça ne tourne pas. We mean to say something that exists, and it's hard to put into words simply. Sometimes when you go from one mode of speech to another, parfois on passe d'une langue à une autre, d'un mot à un autre. It's easier to say some things in some languages than in others. Mais rien n'y fait. And we don't see the world the same way. Il tourne à vide. Oui, tu pourrais quand même dire que les gens doivent laisser un message parce que alors évidemment ils comprennent pas. Et il forme une boucle qui ne tourne plus, ou du moins qui tourne en cercle fermé. In English, feedback is the word we use instead of larsen for the moment when the feed that's entered into a recording machine is re-entered at the same time as it's emitted. Feed is a word we use that sort of personifies machines in that we're giving them something to eat, to digest, and then to emit or turn into sound or images. On essaie de dire so des feedback mots, is like dénoncer when des choses. You feed a machine something and then it eats it up again. There's this sort of loop that turns into a buzzy, weird sound. Like a mistake or an accident. Et on passe d'une langue à une autre, on traduit, on essaye de se traduire soi-même. Bonsoir, si tu pouvais me rejoindre toute la soirée, toute la nuit. Enfin, tu peux me rappeler comme ça, je sais si je dois faire une valise, enfin, en fait, tout simplement. Et je te dis, tu peux rappeler à n'importe quelle heure, de toute façon... Allô? An echo is a sound that bounces off something. What's funny is that in French we call bouncing a rebond, which in English sounds like rebound, une rechute. Bouncing is a word, is really almost like a sound, a bouncy ball, something that hits the ground and then flies right off, immediately. Feedback is sort of like an interrupted bounce. The ball comes back too fast. Feedback is like an interrupted bounce. The ball comes back too fast. And bounces off the ground while sort of staying there. There's always someone speaking everywhere around the world and in places where no one is because Everyone's asleep. There's a transmission to the next time zone. Claude, c'est Jean-Christophe, à l'appareil. Je passe te chercher vers 7h, un truc comme ça. Mais en fait, moi j'avais envie de la faire avant. J'ai vu qu'il y avait un chouette film qui passe dans le cycle écran total, qui s'appelle À bout de souffle. Alors je pensais que j'avais envie d'aller voir ça avant d'aller tirer au pipe. Enfin bon, ceci dit, si ça te dit rien, on va tirer au pipe sans aller au cinéma. Enfin bon, voilà, je vais me téléphoner chez moi. Salut, c'est Man, je te téléphone toujours, ben j'ai aucune nouvelle de toi alors. Si jamais tu veux toujours faire signe de vie, tu peux toujours téléphoner à Sony. Salut! Like a loop around the world, a disc, in a way. Claudisson, mais comme tu as une belle voix dans ton répondeur. A continuous echo. Claudisson, ça va pas du tout. Hein. Je viens de téléphoner chez Demes. On dit que t'es rentré à la maison, je téléphone chez toi et tu n'es pas là. Enfin, ceci dit, je trouve que c'était encore très très sympa hier soir. Et puis je voulais savoir si tu comptes éventuellement faire quelque chose ce soir parce que j'avais envie d'aller voir le zèbre. Il y a peut-être un chic qui vient avant. Le langage est un tour. Le langage est un tour. Le langage fait un tour. Le langage tourne. Le langage est un tour, comme on pourrait dire d'un tour de magie, sauf que parfois, le langage est un tour. Le langage fait un tour. Le langage est un tour qui parfois échoue. Le langage est un tour qui parfois language échoue. Language is a trick. Language. Language is a trick. That sometimes fails. Le langage est un tour qui parfois échoue. Parfois, il y a beaucoup plus de malentendus que de compréhension. Parfois, c'est vraiment difficile d'accéder à y comprendre l'autre. Et j'ai senti ça pas mal. C'est que mes remarques ou ce que je dis n'a pas d'écho. C'est-à-dire, tu lances une parole et ça ne fait pas un effet, ça, on ne sent pas l'écho. Ou peut-être, le sens que je donne aux mots, ce n'est pas forcément le sens donné par eux à ces mots. Et ça, je le sentais pas mal de fois. C'est-à-dire que je me sentais à faire une remarque plus ou moins qui va dans un point un peu important, mais qui n'a pas d'écho. C'est que tu lances les boules et ça devient une sorte de brouillard. Avec tout coup, et ça disparaît. Et ça me faisait mal, tu vois, ça me faisait mal. Moi, j'arrive à comprendre. Mais eux, par contre, il n'y a pas ce rapport. Je ne sais pas est-ce que c'est juste. Mais je crois que c'est plus ça, en fait. C'est que moi, je ne parle pas vraiment la langue de je ne donne pas les mêmes sens, je ne comprends pas la même chose de ces mots. Madame Mainz, bonjour Madame Mainz. Ici c'est le fourreur Topor de 13 rue Les Broussards. Mon téléphone est de 649-28-37. Je répète, 649-28-37. Votre écharpe en cuir de vison français est nettoyée et j'aimerais bien que vous veniez le chercher. J'aimerais bien avoir des contacts rapidement. Merci beaucoup. Au revoir. Claude, c'est quoi ce truc? C'est Joe, tu me rappelles? Bisous. Allô? Bon, je peux enfin parler. Salut, c'est Marie et je voudrais ouvrir un compte. Non, bon, c'était pour savoir ce que c'était cette histoire de demain. Tu peux me rappeler chez mon... Non, je te rappellerai ce soir. Salut. Claude, c'est Joe. J'ai toujours cette connerie de message de bébé, là. Je préviens, ça dure des heures. Tu me rappelles? Bisous, ciao. À l'automne où je vivais chez vous, tu fais des images avec les nuages, la pluie fait des miroirs dans la boue. Gna gna gna, c'est Jean-Christophe à l'appareil. Tu vas pas aussi avoir ce horrible instrument, quoi. Tu me téléphones, hein, je m'appelle Jean-Christophe Kurtz, hein, et tu peux laisser un message sur mon répondeur au 734-75-29, hein. Allez, salut, hein. Mais Claude, quelle surprise, c'est un répondeur maintenant, mais qu'est-ce que c'est chic tout ça. Il paraît que Nicolas me dit que la réunion, la prochaine est le 27, j'espère que c'est pas le 24, peut-être que c'est plutôt le 26 parce que j'ai un théâtre ce jour-là. Dis, on va nager demain, est-ce que tu peux venir vers 10h ici, quelque chose comme ça, sinon tu me rappelles demain matin si tu veux. De toute façon, demain, je t'embrasse Claude, au revoir. Mais quel charmant petit message, Claudette, c'est Isabelle. Si tu veux me rappeler avec le renseignement que tu sais, tout à l'heure, gros bisous. Oui, Claudichon, c'est Isabelle. Si tu peux me rappeler avant d'appeler Corinne, merci. Bonsoir Claudichon, c'est Pascal Van Der Gins. Je venais prendre de tes nouvelles, je vois qu'on a fait des petits achats. Enfin bref, ce soir je suis toute la soirée chez moi, si tu veux tu peux m'appeler. À très bientôt, bye. Salut Claudichon, c'est pas celui-ci. Hein. Le langage est un tour qui, parfois, échoue. Alors, est une création radiophonique commandée par l'Institut international de recherche sur la radio et la magie. Il n'y a personne au cut, si tu pouvais prévenir Régine. Et si on pouvait téléphoner pour me dire si Françoise est en bas, comme je vais faire bouffer, jamais texte, savoir montage, absolument la personne qu'il y a. Et mixage. Et de Myriam Pruvot. Je dis à tout le monde, ce serait mi-8 heures. Donc c'est vers 7h30, 8 heures. Et avec les voix de Myriam Pruvot en français et Estelle Seigne-Tilbury en anglais. On y entend également les voix de Aziz Bouyabrin, Touria Iqbal, Nourdin Ezra. C'est quoi ce genre? Est-ce que tu pourrais me téléphoner demain matin pour voir si tu serais me ramener mon petit capio, hein? Ok, et merci, ciao. Le répondeur trouvé de... Oui, Claudichon, c'est Isabelle, tu n'es pas là, tant pis, gros bisous. Language is a trick that sometimes fails. Le langage échoue, ça ne marche pas. A song is a revolution that fails sometimes. Monsieur Deméus, bonsoir. J'essaie de vous toucher, mais enfin, je parle au répondeur. Vous pouvez me téléphoner demain matin, mais je dois vous dire ceci. Avertissez ce monsieur, je ne peux pas m'engager avec de telles personnes, car les réseaux, je vais vers des discussions avec les locataires qui sont quand même anciens. Alors faites-le partir et attendons encore quelques mois pour remettre en location. Merci d'avance. Benet, décrochez. Allô? C'est Benet? Oh, merde. Allô? C'est Benet? Décroche.